ange sur la terre, chapitre 20. Un billet doux. Un billet doux, disait un matin Gennaro à Martial, en voyant celui-ci cacher aussi visiblement que possible une lettre qu'il venait de recevoir. Heureux mortel ! À peine une conquête est-elle éclose, que de sa coquille il en sort une autre, comme un poulet pépiant. Sous quelle étoile es-tu donc né, satané séducteur ? Ceci fournirait matière à Azaïs pour ajouter un nouveau chapitre à son livre des compensations, ajouta Fabiane. Encore ton maudit français, répliqua Martial. Je suis d'avis, ma paisible rivière, que tu portes envie à l'habit d'Assoa. Mais puisque nous en sommes sur la géographie, sais-tu que je suis en train de composer une géographie poétique dans l'intérêt de Rennes, qui ignore les premiers éléments de cette science? As-tu imité Dumoustier dans ses lettres à Émilie sur la mythologie, et ton œuvre sera-t-elle moitié en vers, moitié en prose? Demanda Fabiane. Je n'imite personne, répliqua fièrement Martial. Je veux rester originel, comme le péché de notre premier père. À toi seulement, rivière francisée, il est permis de voler à Paul de Kock son ange du silence. Que veux-tu dire? Exclama Fabiane en éclatant de rire. Rien, rien, père Dauro, sinon qu'on ne me fait pas prendre des vessies pour des lanternes. Voyons, Martial, donne-nous un échantillon de ta géographie poétique, dit Gennaro. Et si tu fais imprimer ton ouvrage, compte sur ma souscription. Commençons par l'Espagne. Prêtez-moi donc toute votre attention. L'Espagne est une nymphe. Beau début, dit Gennaro. Dépeindras-tu cette nymphe assise entre les cornes du taureau espagnol, comme l'autre nymphe Europe sur le dos de Jupiter, métamorphosée en taureau? Ajouta Fabiane. Silence, paisible rivière! Contente-toi de bercer de ton murmure tes paisibles eaux et ne m'interromps pas. Cette nymphe, au teint bruni, à la gracieuse figure, a pour tête Cadix, pour cœur Séville, pour estomac Madrid. Bien, très bien, dit Gennaro. Te tairas-tu ou je ne dis plus rien? S'écria Martial, impatienté. La Catalogne est sa main droite. La Galice, qui est moins à droite, et sa main gauche. À la Sierra Morena, comme à un ceinturon, est suspendu grenade ce magnifique sabre mauresque enrichi de pierreries. Valence est un bouquet de fleurs et de rubans dont la nymphe pare son côté droit. Tolède est une bourse sur laquelle est incrusté, en or, l'écu de ses armes. Les Pyrénées sont la verte guirlande qui serpente autour de sa tunique. Qu'en dites-vous? Et n'ai-je pas su couvrir d'une couleur poétique une science ingrate et positive? Reprends haleine, Martial, je crains pour tes poumons, dit Gennaro. Tu nous diras ensuite ce qu'est Gibraltar par rapport à la nymphe. Une blessure qui saigne toujours. Et le Portugal? Demanda Fabiane. Le Portugal, dit Martial. « Ma foi, je l'avais oublié. Le Portugal et sa bosse. Mais assez de géographie, ajouta-t-il. J'ai à sortir et l'heure se passe. Peste, bientôt midi, et je ne suis encore rasé que d'un côté. » Martial prit son rasoir et se mit à le repasser méthodiquement sur le cuir. « Voyons, dit Fabiane, de qui est ce billet que tu cachais si bien tout à l'heure? Ce billet m'est adressé. D'accord, mais par qui? Tu n'es pas sans savoir, ma pure et paisible rivière, que la discrétion est quelquefois commandée, même entre amis intimes. Sans doute, mais tu l'as dit souvent toi-même. Toi, Gennaro et moi, nous ne faisons qu'une seule personne en trois, comme dans le catéchisme. Tu veux en vain m'entraîner dans ton courant, ma paisible rivière. Je resterai immobile comme un terne. Un terme. Un terme, rectifia Fabiane. Terne est le mot, je le maintiens et le soutiens. Martial acheva de s'habiller. Il mit un frac, et, suivant sa louable coutume, il jeta sur une chaise le caban qu'il portait pendant la matinée. Puis, après avoir étiré son gilet, passé la main dans ses cheveux, il prit son chapeau et sortit. À peine avait-il tourné les talons, que Gennaro se précipita sur le caban, et, retirant la lettre que Martial y avait oubliée, il lut à haute voix. « Cher Martial, ma pigriège de tante est sans cesse à mes trousses, mais demain matin, de bonne heure, comme c'est samedi, elle va frotter les escaliers du docteur Luardo. Ainsi donc je pourrai te voir sur les midis, sur la petite place au chiffon. Apporte quelque chose à mettre sous la dent, ne serait-ce qu'un biscuit de Majorque. Car si tu m'aimes, moi je les aime. Adieu, royal jeune homme, Dieu te donne ce qui te manque. Salud. » À peine Gennaro achevait-il la lecture du billet qu'on entendit les grandes enjambées de Martial qui remontaient, quatre à quatre, les marches de l'escalier. Gennaro remit vivement la lettre dans la poche d'où il l'avait tirée et s'assit gravement à la table où il continua d'écrire. Martial fit irruption dans la chambre et jeta tout d'abord sur ses amis un regard inquisiteur. Mais, voyant Gennaro tout absorbé dans son travail et Fabiane plongée dans ses réflexions, il fut doucement retiré de la poche de son caban le billet cause de son retour précipité, tout en murmurant entre ses dents. « Midi et demi, je suis en retard d'une demi-heure. Être inexact à un rendez-vous, c'est peu galant, peu délicat, peu chevaleresque, et… » Pendant qu'il se livrait à ce soliloque, Gennaro avait fait signe à Fabiane, et tous deux étaient sortis sans mot dire, et avaient fermé la porte en dehors. À ce bruit, Martial s'élança vivement. « Ouvrez-moi » s'écria-t-il. « Le temps est mal choisi pour la plaisanterie. Je suis déjà en retard. »« Avec la santé ?» Note du traducteur. Jeu de mots sur salud, nom de baptême, et salud, santé. « Avec la santé ?» dit gravement Gennaro. « Tu n'en as pas besoin. Elle déborde dans ton gros individu. » « Finissons cette plaisanterie, renard subtil, malicieux bipède. Ouvre-moi et ne m'expose pas à compromettre ma ponctualité, mon exactitude et ma galanterie. Il est trop tard, Martial. La santé se sera lassée de t'attendre. Fabiane, Fabiane, rivière perfide, ouvrez-moi. Ne sois donc pas comme le chien du jardinier. » « Il n'y a pas de chien de jardinier. Gennaro est allé prévenir ton Ariane que Thésée ne viendra pas, mais que Bacchus prendra sa place. » À ces mots, Martial, furieux, envoya de grands coups de pied dans la porte. Fabiane s'esquiva, et quand la maîtresse du logis accourut au bruit qui se faisait et délivra le prisonnier, Martial eut beau courir, il ne trouva plus, sur la petite place, que des chiffons, mais pas autre chose. Le soir même, la joyeuse Flora disait à Reine, « Je vais te raconter une bonne plaisanterie que je tiens de mon frère, qui la tenait lui-même de Fabiane. Aujourd'hui, à midi, ton loyal et passionné Martial avait un tendre rendez-vous avec une grisette de moyenne vertu. Gennaro et Fabiane l'ont su, ils ont enfermé Martial, et cette bonne pièce de Gennaro est allée consoler Ariane de l'absence de Thésée. » À ces paroles, Reine éprouva une si vive douleur, un tel mouvement de dépit, que ses yeux se remplirent de larmes. « Quelle infamie ! » s'écria-t-elle. « N'exagérons pas, répliqua Flora. Une conduite immorale, peut-être un manque de délicatesse, une folie de jeunesse, mais une infamie, non ! » « Ah, tu ne trouves pas infâme, toi, tu ne trouves pas vile, criminelle, la conduite d'un homme qui va se rouler dans ce bourbier, se souiller de ses ordures, et vient ensuite nous faire hommage d'un cœur, en partage avec une de ses créatures. C'est une infamie, je te le répète. » « Mon Dieu, reine, répliqua Flora tout étonnée, Jamais je n'aurais cru que tu eusses pris si à cœur les faits et gestes de ce Martial dont tu te moques à la journée. Il ne faut pas se fier aux apparences. Si j'avais su te faire autant de peine, certes, je ne t'aurais pas conté la chose. Cœur pervers, mœurs dissolues, il est complet, murmura Reine. Jamais je n'aurais cru que Martial t'intéressât à ce point. Flora, au nom de Dieu, te tairas-tu? Si ce n'est pas Martial, c'est donc le colonel Astorga. C'est un joli garçon. Lui, un moule à uniforme? Quand il me parle, je crois toujours entendre le bruit du tambour. Voyez donc la difficile. Allons, le préféré est peut-être le marquis de Nabia, qui est dans les bonnes grâces de ta mère? C'est un fat, hanté sur un sceau. J'espère bien que ton choix ne s'est pas fixé sur Fabiane. Il nous faudrait recourir au jugement de Salomon. Non, non, Fabiane t'aime, c'est-à-dire il te donne d'amour tout ce qu'un poète peut en donner. Sois bien tranquille, répliqua Flora en riant. Nous sommes à deux de jeu. S'il me préfère la muse, moi je lui préfère un bon novio. Et je le prouverai le jour où il s'en présentera un. Et Renaro? Renaro est un monstre que je déteste. Aïe, aïe, aïe, quand on dit du mal de la poire. Cette poire serait-elle la pomme du paradis? Et moi, notre mère Ève, sois sûre, ma chère Flora, que le serpent y perdrait son temps et ses discours. À ce moment, Martial et Fabiane s'approchèrent des deux jeunes filles. « Dites-moi, demanda Flora, qu'avez-vous fait de Renaro? Il y a des siècles qu'on ne l'a vu. »« Renaro est un mystère en chair et en os, répondit Martial. Il est depuis quelque temps concentré en lui-même et devient invisible. Je crois qu'il a découvert le bonnet de l'enchanteur Merlin, comme il avait déjà trouvé sa baguette de malice. » Il ne veut plus sortir, il est souffrant et de mauvaise humeur. J'ai idée qu'il fait ses dents de sagesse, ajouta Fabiane. Et toi, cousin, as-tu fait les tiennes? Demanda Reine à Martial. Si elles poussaient, je les arracherais, répondit celui-ci, qui persistait dans son idée que les mauvais sujets sont les enfants chéris du beau sexe. Je parie, dit Flora, que si Renaro ne vient plus, c'est qu'il est affligé de quelque hideuse fluxion. Hideux, Renaro? Quelle supposition, Flora! Hideux, lui, Renaro, l'Antinous de l'Estrémadour, le Narcisse de l'Éventail? Oh, Flora, Flora, l'Adonis machiavélique ne vous pardonnera jamais cette supposition et viendra bientôt en personne vous prouver qu'il n'a rien perdu de sa grâce et de sa beauté. « À quoi bon ces palabres, Martial ?» dit Fabiane. « Ne peux-tu dire en deux mots que la figure de Renaro n'a rien de commun avec la lune, ni à son plein, ni à son déclin ?»« Je n'en crois rien, » dit Flora. « Même quand je l'affirme ?» répliqua Fabiane. « L'évêque l'assurerait-il lui-même. Je suis comme saint Thomas. Je veux voir pour croire. » Toute cette folle conversation de Flora, qui n'avait d'autre but que de ramener Renaro à la Tertulia, lui fut rapporté par ses amis, et, comme il ne demandait qu'un prétexte pour retourner chez la marquise, il s'y rendit le lendemain au soir. Mais, persistant dans sa tactique, il se contenta de saluer Rennes et s'éloigna après avoir échangé quelques plaisanteries avec Flora sur l'infirmité dont elle l'avait gratifié. S'il s'était agi de se justifier de quelque malice, disait Martial à Reine, cette bonne pièce de Renaro ne se serait pas tant pressée de venir. Mais sa beauté était en cause, il est accouru. Qu'as-tu, cousine? Tu es distraite, on ne peut t'arracher une parole. J'ai une humeur de ministre des Finances, à qui tout le monde demande audience, et qui ne veut en donner à personne. « Viens ici, Renaro, disait Fabiane. Viens convaincre Reine que ton absence ne tenait pas à une mésaventure physique. » Ainsi donc, Reine le croyait aussi? Je ne croyais pas lui avoir donné jusqu'ici aussi mauvaise opinion de ma personne. « Qui sait? répliqua sèchement la jeune fille. Par un de ces hasards toujours favorables aux amants, quelqu'un appela Martial, et Gennaro prit sa place à côté de Reine. Tous deux firent d'héroïques efforts pour paraître calmes. « Avez-vous pensé à me faire une réponse ?» demanda Gennaro si bas qu'à peine Reine entendit-elle la question. « Ne voulais-je pas remise ? » répliqua-t-elle. « Ce n'était pas une réponse, Reine. C'était un premier jet de dépit. Je n'ai jamais pris cette boutade pour une réponse. » Ou la boutade était une réponse, ou la réponse était une boutade, il n'y a pas autre chose. D'ailleurs, je ne veux pas qu'on me fasse la loi, et je ne la subirai de personne, entendez-vous? Reine, reine, par vanité, par orgueil, vous ferez notre malheur à tous deux. Et quoi, les flatteurs seuls auront-ils le don de vous plaire? N'aimez-vous que les gens qui subissent vos dédains? Et ne sauriez-vous apprécier un homme qui cédera à l'amour, oui, à l'orgueil jamais. Mais enfin, si je ne vous aime pas, répondit Reine d'une voix tremblante. Et pourquoi ne m'aimeriez-vous pas, Reine? Parce que je ne veux pas vous aimer, et que moi aussi j'ai ma volonté. Ainsi donc, si vous ne m'aimez pas, c'est que vous ne le voulez pas? N'est-ce donc pas assez, et cela vous semble-t-il si peu de choses? Beaucoup, au contraire. Il n'y a rien à faire contre une raison qui n'en est pas une. Vraiment, vous le prenez sur ce ton-là. Je ferai comme l'ange devant le paradis. J'attendrai que vous m'en ouvriez la porte. Singulier ange, vous êtes plutôt le diable qui feriez un enfer de ce paradis. Vous ne pensez pas ce que vous dites, reine. Permettez-moi une comparaison. Comme une vigne qui n'a jamais été taillée, vous étendez vos vigoureux rameaux, mais il leur faut un puissant soutien pour ne pas se briser. Ce soutien, c'est à vous de le choisir et d'apprécier sa résistance. Puis, après un moment de silence, « Reine, reine, ajouta-t-il, pourquoi lutter contre le courant qui nous entraîne s'il doit nous conduire au bonheur ?» Reine ne répondit pas. Décidez de notre sort, reine. Bientôt, j'aurai pris tous mes degrés à l'université. Je partirai ensuite pour Madrid, et si vous me refusez ce soir, c'est la dernière fois que je vous vois. À ce moment revint Martial. Tu gardes ma place, dit-il à Gennaro. Si tu es un Machiavel en herbe, tu es un Pylade en fleurs. Reviendrai-je demain? Dit Gennaro à Reine en se levant. Non, répondit brusquement celle-ci, comme frappée subitement d'un fâcheux souvenir. Non, vous aurez à faire un bien meilleur emploi de votre temps. N'êtes-vous pas le substitut de Martial dans ses rendez-vous amoureux? Pourquoi le souvenir de ce que venait de lui raconter Flora inspirait-il à Reine plus de jalousie que l'amour supposé de Gennaro pour la grimace? En théorie, on prétend que la jalousie est d'autant plus profonde que l'objet qui l'inspire est plus digne d'un véritable attachement. En pratique, il n'en est pas ainsi. La jalousie, comme toutes les passions, appartient à une sphère terrestre où elle éprouve le besoin de lutter contre des passions comme elle agitait ses passagères. Dans le ciel, ce séjour de l'amour idéal et de la perfection, il y a des hiérarchies. Il y a des anges qui approchent de Dieu plus près que les autres. Il y a lutte d'abnégation, il n'y a pas de jalousie. Aux paroles de Reine, Gennaro s'était levé d'un air radieux et revint bientôt amenant par le bras Don Domingo de Osorio. Cet élégant jeune homme, avec sa chevelure noire et bien frisée et sa démarche noble et gracieuse, formait un parfait contraste avec ce majestueux vieillard, portant ses années et ses honorables cheveux blancs comme un soldat porte ses cicatrices, comme un vin généreux porte le cachet de sa qualité, comme le chêne porte ses abondants rameaux. « Don Domingo, dit Gennaro en interpellant ce premier, n'est-il pas vrai qu'hier, à midi et demi, vous avez eu la bonté de me conduire, comme vous me l'aviez offert, visiter la précieuse galerie de tableaux de votre ami le chanoine ? Reine ne veut pas le croire. C'est l'exacte vérité, répondit Don Domingo. Et pourquoi Reine refuse-t-elle d'y croire ? Parce qu'elle prétend que je n'ai pas assez de patience pour rester pendant 2 heures en contemplation devant des tableaux. La chère enfant se trompe assurément, et je puis certifier que tu es fort connaisseur en peinture. Et la preuve, ajouta-t-il en souriant, c'est qu'il est resté fort longtemps en admiration devant une Judith qu'il prétendait te ressembler, reine. Pendant que Don Domingo s'exprimait ainsi, la figure de reine s'était éclaircie et était devenue radieuse. « Reviendrai-je demain ?» lui dit Gennaro en jetant sur elle un anxieux regard. Reine affecta de ne pas avoir entendu. « Quoi que tu en dises, Gennaro, ajouta Don Domingo, cette Judith n'est pas de Villa Vicencia. Alors, elle est donc de Morales ? » répondit Gennaro. Et se tournant vers Reine, la peinture vous plaît-elle ? Elle ne me déplaît pas, répondit celle-ci d'un ton distrait. Et depuis quand, mon enfant ? Demanda Domingo. Ne t'ai-je pas entendu 100 fois dire que toutes ces figures de portrait te semblaient des âmes en peine ? Peut-être Reine aime-t-elle les âmes en peine ? Fit observer Gennaro. Où avez-vous pris cela ? S'écria celle-ci. Je le pense parce que vous refusez de me faire ressortir du purgatoire. Reine, lui dit Gennaro à l'oreille, reviendrai-je demain ? Cette Judith est, à n'en pas douter, de Alonso Cano, disait Domingo. Elle est évidemment de l'école de Murillo, c'est son coloris, je retournerai la voir. Puis, se tournant vers Reine, reviendrai-je demain ? Comme bon vous semblera. Je n'ai pas l'habitude de forcer les portes, ni moi de les ouvrir. Sais-tu, Gennaro, ce qu'un Anglais offrait de ce tableau ? Dit Domingo. De quel tableau ? Demanda Martial, qui s'approchait du groupe. D'une Judith qui est dans la collection du chanoine et qui ressemble à Reine. Il en donnait 1000 livres sterling. Si cette Judith ressemble à Reine, s'écria Martial, toutes les livres sterling de l'Angleterre ne suffiraient pas pour la payer. Si cette fière Judith, ajouta-t-il en se rapprochant de Reine, est ton image, la tête qu'elle tient à la main doit ressembler à la mienne. La tête d'Holoferne ! Exclama Flora en poussant un joyeux éclat de rire. Quelle étrange prétention, Martial ! Qui vous a dit que le général des Assyriens ne fut pas un beau garçon ? Répliqua Martial. Reviendrai-je demain ? Continuait à demander Gennaro à Reine. Dieu, que vous êtes fatigant et entêté ! Répondait celle-ci. T'en viens-tu, Gennaro ? Dit Martial. L'aiguille a fait le tour du cadran, et les 12 coups de minuit viennent de sonner. Vous ressemblez à ce vieillard qu'on appelle le temps, lui dit Flora en riant. Vous portez les heures dans la main. Dans la main, non, ma charmante Flora, mais dans la tête, et elle s'écoule toujours trop vite auprès de vous. Bonsoir, et que la nuit vous soit aussi légère que le jour. Bonne nuit, reine. Heureux le moustique qui viendra troubler ton sommeil. J'ai une moustiquaire, cousin. Cela ne suffit pas, reine, murmura Gennaro à son oreille. Il vous faudrait un émouchoir pour chasser l'essaim qui bourdonne autour de vous. Comment sera la porte demain ? Entrouverte, dit Flora. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un homme têtu, si ce n'est une femme entêtée. Reine mit son mouchoir devant sa bouche pour dissimuler un sourire. Et Gennaro s'écria joyeusement en lui-même. Victoire !